C'est quoi la foule ? Une multitude de personnes rapprochées les unes des autres, certes, mais pourquoi une multitude de personnes ne se comporte-t-elle pas comme une multitude d'individualités, mais comme un ensemble, un groupe régi par ses propres lois, des lois qui changent en fonction de sa densité ? Étudier la foule, c'est convoquer la mécanique des fluides, la physique, la biologie comportementale et les sciences cognitives. Et si le mouvement est assimilable à une information, il est intéressant, en cette époque qui est la nôtre, d'étudier la propagation d'une information dans un groupe massif, comme par exemple sur un réseau social. Emporté par la foule, c'est le programme collectif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cet étrange ensemble disparate que constitue une foule, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mehdi Moussaïd, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck à Berlin, auteur de ce livre qui vient de sortir, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, c'est aux éditions Humaine Science. Vous pouvez suivre cette émission, en ce moment, en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et comme toujours en complément en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc. Pour commencer, on va retourner 13 ans en arrière, le 12 janvier 2006, à la Mecque, une fois de plus, et malgré les nouvelles précautions prises par les autorités saoudiennes, une bousculade à l'entrée du pont de Jamarat fait plus de 300 morts. Les années passent et malheureusement se ressemblent à la Mecque. Une nouvelle fois, le pèlerinage est endeuillé par une bousculade, cette fois-ci dans la vallée de Mina, lors du dernier grand rite de ce parcours religieux de trois jours. Comme en 1994 et 2004, c'est lors de la lapidation des stèles que le mouvement de foule s'est produit. Les fidèles défilent alors sur un chemin de quelques mètres de large pour lapider Satan, jeter en fait sept cailloux sur trois stèles qui symbolisent les apparitions du diable à Abraham et ses proches. Plus de 2 millions de personnes y participent, 2 millions de personnes qui se suivent en rang serré. Une foule compacte, impossible à arrêter. Il faut peu de choses ensuite pour qu'un drame se produise. Aujourd'hui, des pèlerins ont laissé tomber leurs bagages et bloqué le chemin d'accès. L'année dernière, les autorités saoudiennes avaient dépensé 30 millions de dollars pour réaménager et sécuriser les accès au site. Un système de vidéosurveillance a même été installé, tandis que les stèles ont été remplacées par des murs plus hauts pour que les cailloux des pèlerins les atteignent plus facilement. Un dispositif qu'il faudra toutefois revoir. Voilà, extrait du journal de France Inter le 12 janvier 2006. Alors c'est peut-être moi, mais c'est vrai que quand on pense foule, on pense quand même effectivement à ces mouvements de foule qui sont très impressionnants, qui sont meurtriers, qui ont été encore pires en 2015, hein, puisqu'il y a quasiment 2500 morts à la Mecque. Ça fait partie des éléments que vous étudiez dans votre livre, Mehdi Moussaïd. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est un extrait que vous avez très bien choisi, puisque cet accident de 2006, c'est vraiment un moment charnière dans la connaissance scientifique. Il y a eu un après et un avant. Donc avant l'accident, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, on savait pas exactement ce qui se passait pendant une bousculade. Les scientifiques n'avaient pas de données concrètes, quantitatives, pour voir vraiment ce qui se passait. Et il se trouve que cet accident de 2006 a été filmé par des caméras de vidéosurveillance qui ont atterri à 5000 km de là, sur le bureau d'un grand physicien, un expert, un spécialiste du mouvement de foule qui s'appelle Dirk Elbing, et qui était mon directeur de thèse, un de mes directeurs de thèse à ce moment-là. Donc c'était en 2006, donc moi je commençais tout juste ma thèse, j'étais débutant à ce moment-là. Et l'analyse de ces vidéosurveillances a mis en évidence un phénomène particulier qu'on a qu'on a depuis identifié dans tous les accidents, dans tous les mouvements de foule qu'on a observés. Donc on sait que c'est quelque chose de très important. Cet événement, ce phénomène collectif, ça s'appelle des turbulences, qu'on connaît aussi sous le nom de tremblements de foule. Et c'est caractérisé par des vagues de bousculades qui vont secouer la foule dans tous les sens, en faisant subir aux gens qui s'y trouvent des pressions physiques écrasantes. On va revenir sur ces mouvements de foule, parce que c'est évidemment pas le seul angle que vous étudiez dans votre livre. Néanmoins, c'est intéressant, la foule, puisque on parle de ces mouvements-là. Il y a une phobie de la foule. Alors, je peux vous en parler d'ailleurs à titre personnel, parce que moi, je suis pas très très confortable dans les foules compactes. On parle d'ailleurs à tort d'agoraphobie. On devrait parler de démophobie plus précisément. Ouais, pareil. Ouais, j'ai vu ça aussi sur Internet. Après, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur l'agoraphobie, c'est la peur des grands espaces. Absolument. Pas des. Ouais, démophobie, c'est la peur des gens qui peuplent ces espaces. Vous êtes, je le disais, Mehdi Moussaïl, vous êtes chercheur en sciences cognitives aujourd'hui, ouais, mais aussi docteur en éthologie avec une touche de physique. Il faut être tout ça pour devenir, in fine, foulologue. Ça aide d'avoir les différentes perspectives disciplinaires, en effet. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre à la fin de mon doctorat. Donc, vous savez, à la fin du doctorat, quand on remet sa thèse, il faut dire à quelle discipline scientifique elle se rattache. Et je m'étais jamais posé la question jusque-là. Il fallait vraiment faire un choix, il fallait choisir une discipline. En général, ça pose pas de problème, les gens savent s'ils ont fait de la physique ou de la chimie. Mais quand on étudie les foules, c'est quoi comme discipline exactement? Alors j'avais des collègues qui à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, qui étaient biologistes et éthologues, et ils disaient ça peut être de la biologie, parce qu'effectivement le déplacement des foules, ça ressemble beaucoup à celui d'un banc de poissons, à celui d'un troupeau de moutons ou celui d'une colonie de fourmis. Ça fait partie de la même famille, donc oui, ça pourrait être de la biologie. Mais j'avais un autre directeur de thèse, donc Dirk Elbing, qui lui était physicien, et il disait le déplacement des foules, ça peut se décrire à l'aide d'équations qui sont traditionnellement utilisées pour décrire le comportement de la matière, comme la dynamique des grains de sable ou la dynamique des fluides. Donc ça peut être de la physique aussi. Aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de psychologie. Les gens disent, mais non, les foules, c'est des gens, c'est pas des grains de sable ou des poissons. Donc c'est d'ailleurs, après tout, le premier qui s'est intéressé au comportement des foules, c'était Gustave Le Bon au 19e siècle, qui est le père de la psychologie sociale. Donc ça peut être de la psychologie aussi. Il y a des sociologues qui s'y intéressent, il y a des informaticiens, il y a des économistes avec le comportement collectif des consommateurs. Il y a plein de disciplines qui s'intéressent à cet objet qui est la foule. Et donc ça aide d'avoir ces différentes perspectives. Au final, j'ai choisi éthologie pour mettre sur ma thèse. Donc l'éthologie, c'est pour ceux qui savent pas, c'est pas une discipline non plus très très très populaire. C'est l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Donc par exemple, Diane Fossé, l'auteur de Gorille dans la brume, elle est éthologue. Elle étudie le comportement des gorilles dans les montagnes du Rwanda. Ou le prix Nobel Nicolas Tinbergen, il est éthologue. Il étudie entre autres les migrations des oiseaux sauvages sur les côtes de la mer Baltique. Bon, bah, moi c'est pareil, à ce moment-là, officiellement je suis éthologue, sauf que mes animaux, c'est des gens qui vont au travail, et puis leur environnement naturel, c'est le métro ou un supermarché, quoi. C'est quoi, Mehdi Moussaïl, une foule pour vous, du coup? Comment est-ce qu'on appréhende cet objet étrange? Au début, quand j'ai débuté, pour moi, une foule, c'était des piétons qui marchent dans la rue. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que ça pouvait aller au-delà de ça, parce que on peut aussi retrouver les mêmes dynamiques, les mêmes phénomènes et des choses très semblables quand on étudie non pas des piétons qui marchent dans la rue, mais par exemple des internautes qui s'échangent des informations sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, je me rends compte qu'une foule, c'est un ensemble d'individus qui sont en interaction les uns avec les autres. Ça, c'est une définition suffisamment générale pour englober tous les cas de figure. Il y a un minima, on fait foule à partir de combien ? Alors, on va le nombre d'individus, c'est pas vraiment le critère déterminant. On va plutôt s'appuyer sur la densité d'individus en réalité, parce que vous pouvez avoir 10 personnes autour d'un goulot d'étranglement, il va y avoir une sorte de comportement collectif qui va émerger. Vous pouvez en avoir 2000 étendus sur un site très large, ça va pas être très intéressant. Donc on parle surtout de densité, donc ça va être le rapport entre le nombre de personnes et l'espace disponible. Et si vous avez suffisamment d'espace, que vous marchez sur un trottoir, les densités qu'on a dans notre vie quotidienne, elles sont en dessous d'un mètre, d'une personne par mètre carré. Il se passe pas grand chose de très intéressant en termes de collectif. À partir de 2-3 personnes par mètre carré, on va commencer à parler d'une foule. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons de la foule, des comportements de la foule, de l'étude de la foule, avec Mehdi Moussaïl, qui est auteur de Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, aux éditions Humaines Sciences. À partir de quand, vous avez évoqué tout à l'heure, Mehdi Moussaïl, les premiers travaux qui remontent à la fin du 19e siècle. À partir de quand est-ce que les scientifiques commencent à s'intéresser à la foule et à l'étudier? Ça dépend ce que vous... Vous entendez par foule. Donc, au 19e siècle, vous avez des grands penseurs comme Gustave Le Bon, Gabriel Tarde ou Charles Mackay, par exemple, qui vont s'intéresser à la pensée de la foule. Donc, ils s'intéressent pas du tout au déplacement collectif. Ça, c'est pas, il y a probablement pas assez de monde dans les villes pour que ce soit un problème intéressant. Donc là, c'est la première vague. Donc, ça va être dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis, à partir des années 50, il y a des ingénieurs et des urbanistes qui vont commencer à se poser des questions sur le comportement des piétons dans les rues, vraiment. Parce que là, on est face à une urbanisation grandissante, il y a de plus en plus de monde dans les villes, et puis il faut essayer de contrôler un peu tout ça. Donc les tout premiers, ce sont des ingénieurs des années 50 qui vont étudier le déplacement collectif. Ensuite, vous avez des physiciens qui vont prendre la main, et puis aujourd'hui, c'est un thème vraiment interdisciplinaire. Le Roy Anderson, en 1971, ouais. C'est des travaux un peu novateurs, et qui, justement, pour le coup, lui va modéliser la foule comme un fluide. Ouais, c'est ça. Alors, si on reprend, donc, dans les années 50, vous avez des ingénieurs et des urbanistes qui commencent à s'intéresser au comportement des piétons, parce qu'il y a besoin de contrôle, comme je le disais. Et puis, ils vont faire des mesures empiriques, c'est pas vraiment une science, c'est juste des mesures, des observations. Ils vont remarquer, par exemple, que plus une foule se densifie, moins elle se déplace vite. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très connu, ça s'appelle le diagramme fondamental, mais ça a été observé pour la première fois à ce moment-là. Et tiens, il y a un rapport entre la densité d'individus et la vitesse de déplacement. Et puis, toutes ces observations-là, il leur manquait un cadre théorique pour pouvoir en faire vraiment quelque chose une science. Et ce cadre théorique, il a été apporté, comme vous l'avez dit, par Leroy Anderson, qui est un physicien, et qui a dit, tiens, c'est intéressant parce que une foule qui se déplace dans une rue, ça ressemble beaucoup à un fluide qui coule dans un tuyau. Et il a eu cette idée d'utiliser une analogie avec la mécanique des fluides, qui marchait pas mal du tout, dans certaines conditions. Et il a remarqué que ça marchait en particulier quand il y avait suffisamment de monde. Et il fallait aussi que les gens se déplacent tous dans la même direction. Donc ce qu'on appelle un flux unidirectionnel. Donc si vous avez des gens qui vont dans la même direction et qui sont suffisamment nombreux, on peut effectivement associer ça avec un fluide. Mais n'empêche que l'idée a été beaucoup appréciée dans cette communauté de physiciens dans les années 70 parce que il y a quelque chose de très nouveau, de très excitant là, qui était le fait de décrire le comportement des gens avec des équations. Ça, c'est quelque chose de très nouveau, quoi. Et vous savez, les physiciens, ils sont souvent ils rêvent de cette idée d'une théorie du tout d'une équation qui pourrait décrire tout l'univers. Et puis là, il y avait un pas qui était franchi. C'est-à-dire que on a des outils, on s'en sert pour décrire la matière, pour décrire le déplacement des astres. Et puis d'un seul coup, il y a une ouverture qui dirait qu'on pourrait peut-être décrire le comportement des gens avec aussi. Donc c'est très excitant. Bon, mais ça marchait pas super bien. Ça marchait, mais dans une certaine fenêtre de densité. Et il a fallu attendre 20 années encore pour que dans les années 90, il y ait une nouvelle vague de modélisation, une nouvelle forme de modélisation qui a été apportée par donc Dirk Elbing, je cite son nom une seconde fois. Qui était donc votre directeur de thèse. Qui était donc un de mes deux directeurs de thèse, 20 ans après, et qui lui a dit « Ok, la mécanique des fluides, ça marche pas très bien, on va faire autrement. Au lieu de dire qu'une foule est un fluide, on va dire qu'un piéton est une particule. » C'est-à-dire que c'est comme si on zoomait un petit peu dans la matière. Là, on zoome dans la foule. Okay? Et ça, ça marche très très bien aussi, parce que là, il y a des outils qui existent, les outils de la mécanique newtonienne, dont on peut se servir pour décrire cette fois-ci le comportement des piétons, et donc indirectement en déduire le comportement de la foule. Et ça, c'était une révolution dans la modélisation du comportement des foules. Aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, le modèle qu'il a créé, qui s'appelle le modèle des forces sociales, que j'appelle parfois le modèle des piétons particules, parce que c'est un peu plus explicite, est aujourd'hui le plus utilisé dans la littérature scientifique dans le domaine. C'est aussi celui qui est utilisé en majorité dans les outils commerciaux qu'on peut acheter pour gérer les foules dans les rues. Et donc c'est un modèle qui est très populaire. Vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, ce qui est important, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure il y a quelques instants, ce qui est important pour comprendre la façon dont on peut appréhender justement ces foules avec des outils mathématiques ou physiques, c'est la densité. La densité, c'est ce qu'il y a de plus important vraiment pour caractériser une foule. Ouais, c'est vraiment l'indicateur numéro un, la première chose dont on a besoin de savoir. Et justement, cet indicateur de densité, il va vous dire aussi quel cadre disciplinaire vous devez utiliser, quel cadre théorique. Donc, on parlait de la mécanique des fluides et on a parlé de la mécanique newtonienne, donc est-ce que c'est un liquide ou est-ce que c'est plutôt des particules. Eh bien, à forte densité, l'analogie avec les liquides marche très bien. et dans des densités intermédiaires, l'analogie avec les particules va un peu mieux marcher. Et si on réduit encore la densité, et ben l'analogie avec les particules, elle marche même plus. C'est-à-dire que si vous voulez cette fois-ci décrire le comportement de deux piétons qui vont s'éviter dans la rue et que vous considérez que c'est des particules, vous allez avoir des simulations numériques qui sont pas du tout réalistes. Et ça, c'est un des problèmes sur lequel on s'est penché vers la fin de mon doctorat, justement. Et on a dit, en fait, quand on est encore plus bas en termes de densité, il nous faut un nouveau cadre disciplinaire. Et on l'a trouvé dans les sciences comportementales, dans l'éthologie et dans les sciences cognitives, où cette fois-ci, on arrête de parler de particules, on arrête de parler de liquide et on va considérer les piétons comme des gens. On va dire qu'ils collectent de l'information par leurs yeux, donc des informations visuelles, qu'ils vont traiter cette information dans leur cerveau et puis qu'ils vont adapter leur comportement en conséquence. Et là, il y a toute une série d'outils en psychologie, en sciences comportementales, qui peuvent nous aider à décrire ça, et ça marche effectivement très bien. Et donc moi, ce que j'adore avec la modélisation des foules, c'est que vraiment, vous avez un indicateur qui est l'encombrement, le nombre de personnes que vous avez. Et quand cet indicateur augmente, eh bien vous devez changer non seulement de modèle, mais même de discipline scientifique. Donc à une certaine densité, vous allez parler avec des éthologues, des gens des sciences cognitives, et puis vous montez, vous parlez avec des physiciens qui font des analogies avec les gaz, et vous montez encore, et puis vous arrivez dans les analogies avec les liquides. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors justement, vous êtes concentré au début, en tout cas dans vos travaux de recherche, sur ces foules qui ne se comportent plus justement comme un regroupement de particules à basse échelle sur des petits groupes et notamment sur la circulation d'un groupe de personnes entre 30 et 60 dans un couloir circulaire. D'accord, c'est tout à fait vrai. Alors ça, c'est une expérience qui se rapporte à un autre phénomène. Donc là, il va falloir que je vous fasse... Allez-y. Vous raconte depuis le début. Donc c'était la toute première expérience que j'ai réalisée pendant mon doctorat, où on s'est penché sur un problème de la vie quotidienne que tout le monde connaît, qui est celui de l'évitement. Donc vous marchez dans la rue, et puis imaginez, arrive en face de vous un autre piéton qui se déplace en sens opposé, et vous allez devoir prendre une décision, parce que vous allez devoir éviter cette personne. Est-ce que vous choisissez de passer à droite ou est-ce que vous choisissez de passer à gauche? Question qui paraît un peu anodine, mais en réalité, conceptuellement, c'est très problématique parce que la personne qui est en face de vous doit elle aussi prendre la même décision, à droite ou à gauche. Si on choisit tous les deux le même côté, droite ou gauche, peu importe, l'évitement va pouvoir se faire sans problème. Parce que ma droite, c'est la gauche de l'autre personne, enfin, qui arrive dans l'autre sens. Donc si on choisit le même côté, c'est bon. Mais si on choisit un côté différent, on va entrer en collision. C'est donc un problème de coordination. Et les piétons, dans cette situation, ne peuvent pas communiquer, ne se connaissent pas et doivent décider en quelques secondes. Donc on pourrait faire l'hypothèse qu'ils choisissent au hasard. Je vois pas d'autre solution possible. Or, s'ils choisissent au hasard, ils ont une chance sur deux de s'éviter sans rentrer dedans. Donc ce petit modèle, cette petite théorie va prédire qu'on va se cogner les uns contre les autres une fois sur deux quand on marche dans la rue. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Par conséquent, on a fait cette petite expérience où on a observé des binômes de participants se croiser dans un couloir des centaines de fois pour savoir comment ils faisaient pour se coordonner. Et on s'est rendu compte que les piétons n'échangent pas d'informations explicitement et qu'ils choisissent un côté d'évitement avant même d'avoir commencé à se déplacer. Et 81% d'entre eux ont choisi le côté droit. L'expérience était conduite en France. Et en réalité, ça s'appelle une convention sociale. C'est une petite règle comportementale qui est partagée par un grand nombre de personnes dans une population. La plupart des gens ne se rendent même pas compte. C'est un réflexe presque, c'est très intuitif, mais qui va résoudre ce problème de coordination. Donc de coordination entre deux piétons. Quand vous croisez quelqu'un, vous passez à droite spontanément parce que vous savez que l'autre personne partage cette règle aussi. Et comme ça, on va pouvoir se coordonner. Ce qui est intéressant avec cette petite règle comportementale qu'on appelle la préférence à droite, c'est que si vous avez non pas deux piétons, mais deux flux de piétons qui se déplacent en sens opposé, donc vous avez beaucoup de monde cette fois-ci, eh bien là, ce petit biais comportemental va avoir tendance à s'amplifier à l'échelle de la foule et va structurer le trafic piétonnier en ce qu'on appelle une autoroute de piétons. Vous allez avoir tous les gens qui se déplacent dans la même direction, qui occupent une moitié de la rue, et les gens, la moitié droite en l'occurrence, et les gens qui se déplacent en sens opposé occupent l'autre moitié. Comme si les gens avaient décidé de se partager l'espace disponible. Et ça, c'est génial parce qu'en plus, l'efficacité du trafic piétonnier est améliorée. C'est comme si la foule faisait preuve d'une sorte de comportement intelligent pour s'auto-organiser, pour que tout le monde puisse arriver rapidement à destination. Et en fait, ça c'est juste un effet secondaire de ce petit biais comportemental qui est l'évitement par la droite. Vous m'avez posé une question sur l'expérience du couloir circulaire. Eh bien justement, comment on fait pour tester ces autoroutes de piétons? On s'est demandé comment on fait pour les observer. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller dans la rue, tout simplement. Donc on trouve une longue avenue piétonne, on pose une caméra qui surplombe la foule et puis on observe. On a fait ça, c'était par exemple sur la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. On a fait des observations qu'on a pu analyser. Mais on a un meilleur contrôle quand on fait ça en laboratoire. Et en laboratoire, on ne peut pas créer un long couloir d'une centaine de mètres parce qu'il faudrait beaucoup de monde pour entrer dedans. Et puis d'un point de vue logistique, c'est très compliqué. On a eu cette idée de construire un couloir circulaire. C'est comme si vous prenez un couloir droit et puis vous collez les deux extrémités, ça vous fait un couloir circulaire. Du coup, on peut mettre des participants à l'intérieur et puis on le demande à la moitié de ces participants de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre moitié se déplace en sens inverse et on regarde avec le temps si les autoroutes de piétons peuvent émerger spontanément à partir de gens qui sont répartis aléatoirement au début. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on a observé dans notre expérience, qu'on a pu caractériser donc. Cette convention sociale, on peut imaginer simplement que si les gens passent à droite, c'est parce que finalement en France on roule à droite et qu'elle serait différente dans un pays où on roule à gauche. Ouais, bien sûr. Alors d'abord, on a commencé par l'observer, donc on sait que cette convention existe. La question qu'on s'est posée après, c'est d'où elle vient, en fait. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plus prééminente, ouais, c'est celle du code de la route. On se dit, en fait, les piétons marchent comme conduisent les automobilistes. C'est une copie. Et effectivement, il y a une forte corrélation entre le côté d'évitement des piétons et le côté de conduite des automobilistes. Mais il y a aussi des exceptions. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est pas une loi qui est parfaitement calquée sur le code de la route. Il y a des exceptions. Par exemple, dans le cœur de Londres, sur Oxford Street, vous trouvez des piétons qui s'évitent par la droite, alors que les automobilistes roulent à gauche. Et donc, l'explication qui est la plus communément admise dans le domaine, c'est que c'est un apprentissage social. Donc, en fait, que les piétons vont s'adapter, ils apprennent. Donc, s'ils s'évitent d'un côté et que ça marche, ils vont continuer à s'éviter de ce même côté. Et c'est comme ça qu'une convention émerge et elle est influencée par le code de la route. Et on voit que ces phénomènes d'amplification, on va en reparler, on les retrouve. Hein. C'est un peu le fil rouge de tous ces comportements collectifs de foule. Sur des petites structures aussi. C'est intéressant. En préparant l'émission, j'ai trouvé cette étude sur les escalators dans les transports londoniens et sur finalement des choses très très contre-intuitives qui montrent que sur la question de la perturbation en fait que vous évoquez dans ce couloir circulaire, qui fait qu'à un moment donné, si quelqu'un décide de doubler, d'aller plus vite, d'un seul coup, ça perturbe l'ensemble du système. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'on a découvert en faisant cette expérience du couloir circulaire, c'est qu'effectivement, les autoroutes se forment spontanément. Donc on peut dire que l'ordre, l'autoroute, émerge à partir du désordre, la position initiale qui est aléatoire. Sauf que si on laisse l'autoroute, si on laisse les piétons marcher comme ça pendant un certain temps, une trentaine de secondes, c'est pas si long que ça, au bout d'un moment, ce qu'on a observé, c'est que l'autoroute va se désagréger complètement pendant un certain temps. Et puis on va avoir une dizaine de secondes de chaos où on ne voit plus aucune structure. Et puis elle va réapparaître. Et puis elle va se désagréger à nouveau. Et puis elle va réapparaître. En réalité, ces autoroutes, elles sont instables. Et on s'est demandé pourquoi est-ce que cet ordre collectif qui était si beau est en fait instable. Et il se trouve que c'est un problème de vitesse de marche. Si dans votre foule, il y a un individu ou plusieurs qui souhaitent aller plus vite que les autres, eh bien, cette personne va être contrainte de marcher à la vitesse de la moyenne, puisqu'elle va être dans son flux, et puis il faut juste suivre le flux. La solution qu'aurait cette personne pour marcher plus vite, c'est de doubler les personnes qui sont en face d'elle. Mais quand les autoroutes sont en place, et que vous doublez les personnes qui sont en face de vous, vous allez vous retrouver face à face avec le flux qui arrive en direction opposée. Ça crée une petite perturbation, qui va, de fil en aiguille, complètement se propager à l'ensemble du couloir circulaire, en l'occurrence, pour désagréger toute la structure. Mais comme il y a cet attracteur vers l'ordre, vers l'autoroute de piétons, on retrouve la structure qui se reforme au bout d'un moment. Donc plus vous avez de diversité de vitesse de marche dans la foule, plus la structure sera instable. C'est ce type de perturbation qui est à l'origine des embouteillages routiers traditionnels. Ouais, c'est le même type de perturbation. Donc dans les embouteillages routiers, c'est sur les différences de vitesse de conduite. Ça peut être aussi sur les délais que les automobilistes ont à reprendre la route, par exemple après un ralentissement. Et c'est ce même type de perturbation qu'on retrouve, donc là on va changer de domaine, mais qu'on retrouve dans les phénomènes météorologiques par exemple, donc qu'on appelle typiquement, communément l'effet papillon, où vous avez à avoir un petit grain de sable, une petite perturbation dans le système, qui la plupart du temps n'aura pas de conséquences, mais qui parfois pourra créer une réaction en chaîne qui va perturber l'ensemble du système à l'échelle collective. Il y a une à l'autre bout de l'échelle, de l'autre côté, sur des très très gros groupes de personnes. Il y a une publication toute récente, le 4 janvier dernier, qui était dans la revue Science, de Denis Barthelot et Nicolas Bain du laboratoire de physique de l'ENS de Lyon, qui reprend et qui complète les travaux de Henderson sur la mécanique des fluides. Ouais. Exactement. Donc ce qu'avait Henderson, c'était principalement une approche théorique. Qui manquait beaucoup de données empiriques pour pouvoir la confirmer. Et c'est normal parce que c'était difficile de trouver les conditions dans lesquelles ça pouvait marcher. On disait tout à l'heure qu'il vous faut un flux unidirectionnel, donc de gens qui se déplacent dans le même sens, et une certaine densité. Donc ça, c'est dans les rues, dans notre vie quotidienne, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement. Et Denis Barthelot et Nicolas Bain ont eu cette très bonne idée d'aller observer le départ des marathoniens du marathon de Boston, je pense. Ils en ont fait plusieurs, en tout cas. Oui, ils ont fait, c'est Chicago, peut-être. Ok. Bon. Et c'est une effectivement. On va trouver. Si on cherche la ville, je vais la retrouver. Allez-y. Et c'est effectivement une très bonne idée parce que on a exactement les conditions dont on a besoin pour valider le modèle d'Anderson. Donc vous avez un flux unidirectionnel. Là, c'est les marathoniens. Ils vont effectivement tous dans le même sens. Il n'y en a pas un qui va en sens opposé. Et la densité est très importante parce que c'est un événement qui est très populaire et où il y a avec beaucoup de participants. Et donc ils ont découvert que l'analogie avec l'hydrodynamique, donc avec la mécanique des fluides, tient parfaitement la route dans ces conditions-là. C'est bien Chicago. Je vais vérifier, mais ils en ont fait effectivement plusieurs et ils ont confirmé d'ailleurs leurs observations sur le marathon de Paris. Ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est notamment l'implémentation de la notion d'information et de propagation de l'information dans une foule sur la vitesse et sur l'orientation qui ne se propagent pas de la même façon dans ces foules très massives. Mais c'est un thème très général en réalité. On n'a pas tendance à le voir comme ça, mais dans une foule, c'est en gros un échange d'informations entre des individus qui sont proches les uns des autres. Même quand je vous parlais de l'évitement par la droite ou de l'évitement par la gauche, il peut y avoir un échange de regards, et puis si le premier participant s'engage à droite, l'autre va confirmer, et puis il y a une information qui est prise. Si vous vous déplacez dans un flux unidirectionnel, donc les gens vont dans le même sens que vous, si la personne qui est devant vous ralentit et s'arrête, vous allez vous ralentir et vous arrêter à votre tour, parce que vous allez prendre cette information, et puis vous allez adapter votre comportement en conséquence. Et la personne qui est derrière vous va prendre l'information à son tour et le faire. Donc en fait, on peut tout voir comme un passage d'information. C'est une information qui circule. Et c'est en ça que l'analogie, on va sûrement y venir tout à l'heure, que l'analogie avec les réseaux sociaux est tout à fait pertinente parce que c'est exactement la même chose. Ce sont des informations qui circulent. Sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, on va parler plutôt d'informations concrètes. Donc les gens vont s'échanger des messages qui peuvent parfois être vrais ou faux. Ce que dans ces travaux de l'équipe du labo de physique de l'ENS de Lyon, ils montrent que l'information d'orientation et de vitesse ne se propage pas tout à fait de la même façon, oui. C'est-à-dire que la vitesse se propage très vite et se dissout très vite, alors que au contraire l'orientation c'est une espèce de longue vague qui est vraiment on est en plein dans la mécanique des fluides. Ouais, on est en plein dans la mécanique des fluides. L'orientation, effectivement, donc ce sont tous ces gens qui vont dans la même direction et quand il y en a un qui décide d'avancer, les autres vont suivre, alors que la vitesse c'est quelque chose qui va être plus continu. Les gens vont avoir tendance plutôt à ralentir plus lentement, ça va être moins abrupt comme transition et c'est pour ça que ça va se propager mieux. Ce sont les mêmes phénomènes que vous observez sur l'autoroute, par exemple, avec les automobilistes, où on a cet effet d'accordéon que les automobilistes connaissent très bien, où vous ralentissez parce que la voiture qui est devant vous ralentit et puis au fur et à mesure ça va vous créer un phénomène collectif où les individus, donc les automobilistes, passent leur temps à avancer, puis à s'arrêter, puis à avancer encore, puis à s'arrêter. C'est le même phénomène qu'on observe aussi chez les piétons, d'ailleurs, qui a été observé dans les foules à la Mecque. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces règles mathématiques et physiques ont permis, ont une application intéressante, c'est de faire d'importants progrès dans la modélisation numérique dans le champ des effets spéciaux. Et Antoine Beauchamp, vous êtes allé rencontrer le patron d'une start-up française, Golem, qui est derrière de nombreux effets spéciaux pour des superproductions cinématographiques et télévisuelles. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est l'un des cofondateurs de Golem, Nicolas Chavroux, qui m'a fait la démonstration de ce logiciel Golem Crowd. Pour l'anecdote, Golem a commencé à faire des modélisations de foule pour la SNCF. À l'époque, il s'agissait de simuler numériquement des installations de gare pour voir comment la population, la foule, pourrait y circuler. Aujourd'hui, Golem en est à sa 7e version du logiciel Golem Crowd, un logiciel utilisé aussi bien pour des blockbusters comme Thor ou Black Panther, que des séries comme Game of Thrones, et oui, ou bien encore des jeux vidéo. Nicolas Chavroux nous explique comment on rend une foule numérique réaliste et comment on surmonte les difficultés propres à la génération d'une masse de personnages qui doivent interagir. Il nous livre aussi quelques informations sur les effets spéciaux de Game of Thrones dans la saison à venir. Et petit avertissement, si vous n'avez pas vu la saison 7, bouchez-vous les oreilles, ce reportage divulgage. L'origine de Golem, c'est du coup on est une spin-off de l'INRIA, c'est-à-dire que on était avant chercheur ou ingénieur au sein du laboratoire de recherche en informatique de l'INRIA, spécialisé dans la simulation du comportement humain. Après plusieurs années de recherche et de thèse, on s'est dit qu'il serait bon de valoriser ces travaux-là, qui étaient des prototypes de recherche, et essayer de les industrialiser. Donc on a monté cette société Golem avec l'aide de l'INRIA pour valoriser ces technologies-là. Donc il y avait plusieurs possibilités dans l'apport de ces technologies dans l'industrie aujourd'hui, qui auraient pu être l'architecture, le jeu vidéo, la défense, le transport, et par le biais des rencontres et des hasards et du marché, tout simplement, on a décidé de s'orienter nous plutôt vers les effets spéciaux et de développer ce logiciel qui s'appelle Golem Crowd, qui permet aux studios d'effets spéciaux et d'animation de simuler une grande quantité de personnages. Donc ça sert à remplacer des figurants ou à leur faire des choses qui n'étaient pas possibles jusque-là, et ça peut être aussi bien des animaux que des voitures que des humains. Et après, nous, on a fait des choix dans notre manière d'implémenter certains algorithmes. Pour les oiseaux, il y a des algorithmes particuliers qu'on a décidé d'implémenter parce qu'on trouvait que ça correspondait mieux à la créativité du cinéma, que les paramètres qu'on exposait étaient des paramètres compréhensibles par l'utilisateur. On choisit, nous, ça fait partie un peu de nos choix stratégiques par rapport à la concurrence ou autre, de venir choisir les algorithmes qu'on pense qui sont les plus fiables et qui représentent une valeur plus importante, et on vient les implémenter et on compare ça. Ça a été comparé au moment où les papiers ont été écrits à des données réelles, ouais, en effet, oui. Alors j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu ensemble à quoi ressemble ce logiciel. Alors vous allez me décrire un petit peu comment ça fonctionne, et puis concrètement, quand on l'a en main, quand... quelqu'un qui travaille dans le milieu des effets spéciaux là en main, comment il se débrouille pour générer une foule qui va avoir un comportement réaliste mais diversifié? En fait, je vais même surtout parler de ce qu'on fait de manière très très nouvelle, c'est-à-dire que jusque-là, on faisait de l'édition de comportement, c'est-à-dire qu'on donnait ces briques logicielles aux gens et il les ordonnançait, il les séquençait jusqu'à obtenir des résultats qui leur convenaient. Le problème des outils de simulation, c'est que les itérations sont très très longues, ça prend très très longtemps avant d'arriver à quelque chose de vraiment très fin. Donc par-dessus ces outils de simulation, on a décidé de rajouter ce qu'on appelle un système de layout, qu'on pourrait traduire par mise en place, et qui est assez unique et qui est vraiment ce qui nous distingue aujourd'hui de la concurrence, c'est que une fois que la simulation est faite, on va pouvoir ajouter des opérations par-dessus, mais des opérations qui sont très très implicites pour l'utilisateur. On va pouvoir prendre des personnages et vraiment modeler la foule comme on a envie de l'avoir. On peut prendre les personnages, on peut les dupliquer. Alors comme on les duplique, ils seront exactement similaires, donc on peut leur appliquer un petit peu de randomisation, c'est-à-dire on peut changer leur posture, on peut changer leur apparence, ils vont continuer à s'adapter au terrain. On va pouvoir vraiment shaper, modeler la foule comme on en a besoin, de manière très intuitive. Donc là, on peut sélectionner ces personnages-là, par exemple, et leur dire, c'est le type businessman. Donc le type businessman, c'est un type qu'on a prédéfini. On va venir leur ajouter des cravates, des boutonnettes de manchettes, des lunettes. Donc on va pouvoir vraiment influer sur n'importe quelle partie du personnage. Ça veut dire qu'en termes de direction artistique, pour un réalisateur, il va voir cette foule-là, et il peut aller aller sélectionner un personnage et dire, ce personnage-là, je veux que son pied soit différent, son apparence soit différente, et ce contrôle... Aujourd'hui, cette précision, c'est quelque chose qui permet de gagner un temps incroyable en effets spéciaux, juste de pouvoir rajouter tous ces layers. Quel type de demande vous avez, avec quel type de personnes qui font des effets spéciaux vous travaillez, et voilà, par qui est utilisé ce logiciel Golem Crowd? Notre philosophie, quand on est arrivé sur ce marché-là, c'était de se dire qu'il existait un concurrent qui s'appelle Massive, qui a été développé à l'époque de la trilogie du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Mais ce logiciel-là est tellement dur à utiliser, on parle de mois et de mois d'utilisation, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde des effets spéciaux, où ça va très très vite, on a plus des mois, même pour des séries à gros budget sur lesquelles on peut travailler nous, on a quelques semaines. Donc on est arrivé avec ce constat de se dire, on va créer ce logiciel, et il faut que ça aille vite. Donc on s'est dit, on va adresser tous les studios qui n'ont pas des mois, donc les petits studios qui sont aujourd'hui entre 2 et 50 personnes, des gens qui font de la publicité, de la série. Et il se trouve qu'après, par-dessus, il y a des gens qui se sont dit, et d'autres studios qui se sont dit, nous, on a des mois, mais finalement, on n'a pas envie de dépenser l'argent pour ces mois-là. Il y a un logiciel qui existe, qui fait ses preuves. On a envie d'utiliser pour Game of Thrones. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur la série. on a maintenant des clients qui travaillent sur des films Marvel, donc on parle de Black Panther, on parle de Spider-Man, de Thor, ou des films Disney comme Pirates des Caraïbes. Nos clients, c'est une palette très large, et ça va de le stade, qui est l'exemple classique qu'on fait en une demi-journée, à la bataille épique, incroyable, qu'on pourrait voir dans Black Panther ou dans Thor, par exemple, avec des créatures qui descendent du plafond et qui attaquent le héros, et avec de la physique, du feu et tout ce genre de choses. Une bataille épique, c'est particulièrement dur à modéliser parce qu'on veut qu'il y ait beaucoup d'interactions justement entre les personnages. On veut que quand une épée tape vers le haut, on veut que le personnage part par le haut. Donc il y a beaucoup de comportements à développer, d'attaque, de parade, de gestion de points de vie, entre guillemets, donc quand le personnage se fait toucher. Ça, c'est ce qui, à mon avis, génère le plus de problèmes aujourd'hui et que les gens essayent de résoudre, ouais, clairement. Vous avez dit le mot magique aujourd'hui. Enfin, Game of Thrones, c'est quand même l'une référence en termes de série qui est mondialement un succès. Ouais. Est-ce que vous savez un peu dans quel épisode, quelle saison tout ça est intervenu et à quel moment Golem Crowd a été utilisé dans Game of Thrones ? Déjà, nos utilisations précédentes, je pense que ce qui est le plus frais dans la mémoire des téléspectateurs, c'est la saison 7, la saison qui vient juste de sortir. 80% des foules de la saison 7 ont été réalisées par le logiciel Golem via différents studios. Les grandes scènes, c'est ce fameux épisode s'appelle The Frozen Lake où Jon Snow se retrouve entouré par des zombies et ultra épique, très très oppressant. Ça, c'est fait par 4 personnes à Madrid. On a aussi la destruction du mur à la fin, quand les White Walkers sortent de la forêt. Plus grosse simulation réalisée avec Golem Azur, on parle de 500 000 d'entités uniques qui sortent de la forêt et qui se retrouvent à attaquer le mur derrière le dragon, réalisé par 2 personnes à Montréal. Et pour la saison 8, on a le droit de rien dire. Il y a déjà des choses qui ont été diffusées, on parle pour une série télé de la plus longue période de tournage pour une scène de bataille qui a jamais eu lieu, donc on parle de 20 et quelques jours de tournage pour une scène. Ce qui pour aujourd'hui, pour un format télévisé, est absolument phénoménal. Et les producteurs prévoient la plus grande scène de bataille qu'on ait jamais vue sur un écran de télévision. Et tout ça sera servi par Golem Crowd. On l'espère. Voilà, vous ne saurez rien de la saison 8 de Game of Thrones. En revanche, si vous ne saviez rien de la saison 7, vous pouvez oublier ce que vous venez d'entendre. Une réaction peut-être autour de ce que vous venez d'entendre, Mehdi Moussaïd, mais aussi des différentes applications que ces modélisations des foules et des grandes foules permettent aujourd'hui. Ouais, c'est un super extrait à nouveau parce que l'expérience du couloir circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'était quand même une expérience assez conséquente et on était plusieurs à travailler dessus, plusieurs équipes. Et en particulier, il y a eu la participation essentielle de l'INRIA de Rennes, dont celle d'un certain Stéphane Donikian qui est le fondateur de Golem. Donc avec qui on a travaillé, qui font aussi des expériences comme on le fait nous, mais dans un cadre plus appliqué. Et c'est justement à cette occasion que j'ai découvert le monde des foules de synthèse, ce que j'appelle les foules de synthèse, donc ces outils d'animation qui sont utilisés dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo pour créer des foules le plus réaliste possible. Et c'est intéressant, jusqu'au milieu des années 80, en réalité, on savait pas faire ça, on savait pas faire des animations de foules. On utilisait des figurants, donc comme il y a un film dans de Gandhi. C'est ce que j'allais dire exactement. En 1983, Richard Attenborough, Gandhi, avec la scène des fameuses funérailles du Mahatma qui a nécessité 300 000 figurants indiens. Donc vous avez des choses comme ça où il fallait recruter du monde. Et c'est un informaticien qui s'appelle Craig Reynolds en 1986 qui a fait la découverte qui va transformer le monde des effets spéciaux. Donc lui, Craig Reynolds, il était fasciné par le vol des oiseaux sauvages. Des oiseaux sauvages. Et il cherchait une façon de pouvoir les représenter, en faire des images de synthèse sur ordinateur. Et il a eu cette idée qui était à contre-courant parce que les gens pensaient qu'il fallait un leader dans le groupe et que les autres oiseaux allaient suivre ce leader. Et Craig Reynolds a eu une autre idée. Lui, il a dit non, on va essayer de faire des règles simples qui sont appliquées localement par chaque individu en fonction de ce qu'il observe de ses voisins. Et il a trouvé 3 règles qui sont effectivement extrêmement simples. La première, c'est que si l'oiseau, parce qu'en l'occurrence là, il s'agissait d'oiseaux, si l'oiseau est trop loin de ses voisins, eh bien, il va s'en rapprocher. Plutôt simple. Si l'oiseau est trop près de ses voisins, il va s'en éloigner. plutôt simple aussi. Et si l'oiseau est à la bonne distance, il va simplement s'aligner sur la direction de vol de ses voisins. Donc c'est attraction, répulsion et alignement. Ce sont les trois règles de base. Et effectivement, avec ces trois règles extrêmement simples, on peut reproduire en images de synthèse des vols d'oiseaux sauvages qui sont tout à fait impressionnants. Et en particulier, si on change les distances d'interaction entre les oiseaux, on va pouvoir reproduire toute une palette de comportements collectifs qu'on observe effectivement dans la nature, simplement en changeant ces petits paramètres. Donc il a découvert en réalité quelque chose qui était un des mécanismes fondamentaux du comportement collectif de ces oiseaux, qui a ensuite été adapté à tout un tas de groupes d'animaux sociaux et aux foules humaines. Et Craig Reynolds a participé ensuite, par exemple, à la production de Jurassic Park en début des années 90. Vous avez également des hordes ou des troupeaux de dinosaures. Je sais pas si on dit troupeaux de dinosaures. Troupeaux de dinosaures. Et ça, c'était le top départ de toute une série d'innovations en termes de génération d'images de synthèse qui représentent des foules, dont Golem est le point final aujourd'hui. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Édith Piaf, la foule, comment pouvait-il en être autrement, puisque nous parlons précisément de la foule étudiée par des biais scientifiques, avec Mehdi Moussaïd, qui est chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck à Berlin, auteur de Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, c'est chez Humaine Science. On va parler dans le quart d'heure qui nous reste un peu de cette notion finalement de circulation de l'information. Hein, on le disait tout à l'heure, la vitesse, l'orientation sont des informations dans une foule humaine. Évidemment, cela peut s'appliquer à une foule numérique, puisque c'est également l'une des choses que vous étudiez et dont vous parlez dans ce livre, Mehdi Moussaïd. On l'a entendu tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif aussi qui est intéressant, c'est qu'il suffit de très très peu d'individus qui se déplacent dans un sens, qui changent d'information pour emporter finalement tout le groupe avec lui. Oui, effectivement, c'est tout ce qui est... c'est une idée qui était très chère aux penseurs du 19e siècle, c'est que l'imitation est un des mécanismes principaux du comportement de la foule. Ça, c'est, on le retrouve par exemple dans la psychologie des foules de Gustave Le Bon, et c'est effectivement tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est pas propre aux foules humaines, mais c'est propre à tous les groupes d'animaux sociaux. L'imitation, c'est effectivement quelque chose qui dirige le comportement du groupe pour un banc de poissons, pour une colonie de fourmis, par exemple. Et il y a beaucoup de chercheurs qui se sont demandé, mais si les gens s'imitent et que ça crée des effets d'entraînement, les individus plutôt, ça crée des effets d'entraînement, combien faudrait-il de leaders, donc de personnes dans le groupe qui vont dans la même direction pour entraîner tout le groupe derrière eux? Et c'est une question qui a été d'abord adressée en simulation et puis en expérience, mais sur les bancs de poissons. Et effectivement, les chercheurs se sont rendus compte qu'il fallait seulement une petite proportion d'individus pour diriger le groupe. Et cette proportion va se situer entre 5 et 10% typiquement. Cependant, on ne peut pas faire n'importe quoi à un groupe comme ça, ce serait un peu simpliste. Par exemple, si on considère un banc de poissons, il y a des biologistes qui ont essayé, à l'aide d'un leurre, donc d'essayer d'attirer tout un banc de poissons, par exemple, dans la gueule d'un prédateur, juste en ayant un certain pourcentage d'individus qui les emmènent dans cette direction. Et ça ne marche pas du tout. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est la majorité qui va l'emporter. Donc vous pouvez, dans une certaine mesure, avoir un certain contrôle sur une foule humaine ou d'un groupe d'animaux sociaux, en ayant un certain groupe de leaders, certaines proportions de leaders qui va essayer de les entraîner, mais il y a des limites quand même à cette manipulation. Et paradoxalement, plus le groupe est important, plus le nombre de leaders diminue. Le nombre de leaders va être exprimé en proportion, donc ce sera toujours la même proportion plus le groupe est important. Par contre, plus le groupe est important, plus la manipulation sera facile. Ce qui va nous faire revenir également à ces questions numériques, puis à ces questions d'application de cette modélisation des foules, puisque la propagation d'une information dans un groupe, ça peut évidemment avoir un autre nom. Aujourd'hui, en 2019, on en parle beaucoup, une rumeur, une infox, une fake news. On a beaucoup parlé, et ici même, puisque je m'occupe aussi d'un autre module qui s'appelle Les Idées Claires et qui essaie de déconstruire scientifiquement justement ces infox et ces fake news, on a beaucoup parlé de cette étude qui explique comment la dissémination d'une information sur Twitter est 6 fois plus rapide s'il s'agit d'une fausse information qu'une vraie information. Quelles sont les bases scientifiques de cette étude et comment est-ce que vous l'expliquez? C'est probablement une des études les plus marquantes dans le domaine de l'année dernière que j'ai personnellement beaucoup aimé. D'une part parce que les résultats sont assez choquants, presque un peu inquiétants, à savoir que les mensonges se propagent mieux et plus vite que les vérités. Mais elle a tout un tas d'implications en fait. L'idée c'est que les chercheurs qui s'intéressent au déplacement de l'information donc entre les individus sur les réseaux sociaux vont avoir toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on va observer un individu, on attend qu'un individu mette un contenu sur un réseau social, par exemple un utilisateur sur Facebook qui va poster disons une photo de chat, voilà. Et puis on va regarder parmi ses contacts combien de personnes vont la relayer cette photo. Et puis parmi les contacts des contacts et parmi les contacts des contacts des contacts et ainsi de suite jusqu'au dernier maillon de la chaîne de propagation. Et ça va nous donner ce qu'on appelle une cascade, c'est-à-dire c'est un graphe où les points représentent les individus et les traits entre ces points représentent le passage de l'information. Et la question qui se pose, c'est à quoi ressemblent ces cascades? Et la découverte dont vous parlez, c'est justement que c'est la structure de ces cascades. Elle va être différente selon que ce qui circule est un mensonge ou une vérité. Et ça, c'est très important. Ça signifie que, en gros, vous n'avez pas besoin ou très peu besoin de connaître le contenu de l'information pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez juste besoin de savoir comment elle se propage. Et donc, ils ont noté, par exemple, que, effectivement, les informations qui sont plutôt fausses ont tendance à se propager plus rapidement, pendant plus longtemps, sur des durées plus longues. Et puis, elles vont avoir une structure qui est plutôt verticale. Bon. Et c'est très important parce qu'il y a eu une conséquence, par exemple, qui a été la création d'un algorithme automatique qui va regarder uniquement comment se propagent les informations et qui va dire « celle-là, elle se propage comme un mensonge et celle-là, elle se propage comme une vérité ». Et effectivement, cet algorithme a 75% de classification correcte, ce qui est très bon pour un début parce que c'est quelque chose qui est tout récent. Et donc, ça laisse présager l'idée d'avoir une sorte de détecteur de mensonges qui n'a même pas besoin de savoir de quoi on parle pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je trouvais ça assez impressionnant. Ça met en jeu quelque chose que vous évoquez et que dont vous parlez de façon récurrente dans ce livre. Ce sont finalement aussi ces phénomènes d'amplification ou d'inertie, c'est-à-dire que finalement toute action d'une foule est soit amplifiée par l'action de quelques individus et donc prend la proportion de la foule, ou au contraire la foule a un mouvement inertiel, c'est-à-dire tempère des actions qui seraient des actions individuelles. Quelle est la part des deux, en fait, entre l'inertie et l'amplification? Ça va vraiment dépendre du contexte en réalité. Donc, si vous pensez au fait que les gens puissent par exemple s'entraîner dans une direction, pensez à la panique par exemple. La panique c'est une émotion et un comportement, donc la fuite qui est typiquement quelque chose de l'ordre de l'amplification. Donc, vous avez une personne ou plusieurs personnes qui vont entendre quelque chose. Et je pense en ce moment à un exemple précis qui est la panique de la place de la République le 15 novembre 2013 après les attentats 2015. Et c'est typiquement quelque chose qui est de l'ordre de l'amplification. Donc quelqu'un entend quelque chose, il s'enfuit, les voisins le voient, ça leur fait peur, ils s'enfuient à leur tour, et puis comme une traînée de poudre, la panique va se propager de proche en proche. Il y a une autre étude qui a été conduite, cette fois-ci dans un cinéma par exemple. Les gens s'installent pour regarder un film, et puis les expérimentateurs vont déclencher l'alarme incendie. Ce qui se passe est exactement l'opposé. Personne ne bouge, et tout le monde se dit « Oh, bah, tant que mes voisins ne bougent pas, je reste assis ». Parce que les gens ont envie de profiter du film. Et en fait, la différence entre ces deux situations, évidemment, c'est le contexte. Dans le premier cas, on a un contexte qui est plutôt anxiogène, avec les attentats de Paris qui ont eu lieu deux jours auparavant. Et puis dans un autre, on a des gens qui viennent s'installer au cinéma, qui se disent « bon, peut-être qu'il n'y a pas ça ». Et donc effectivement, cette idée, cette impression de contexte va être très influente pour savoir si le groupe va être entraîné dans un sens ou dans l'autre. Il y a dans la série justement des informations relativement contre-intuitives, on a tendance à penser justement dans les mouvements de foule que c'est chacun pour soi et que les comportements deviennent finalement très égoïstes, très individualistes puisque chacun joue sa survie. Or, des études montrent que c'est au contraire plutôt l'inverse et plutôt l'altruisme qui prédomine dans ce type de situation. Ouais. C'est un collègue, un chercheur qui s'appelle John Drury, qui est psychologue à l'Université de Sussex, qui s'est fait une spécialité de briser ce mythe, cette idée reçue qui est celle de la foule en panique. Et donc lui, il étudie les cas où il y a eu une évacuation d'urgence et il essaie de reconstituer l'état émotionnel des individus et puis leur comportement. Il étudie par exemple le 11 septembre ou des situations qui font suite à un attentat terroriste. Et sur le 11 septembre, par exemple, parce qu'il y a une situation quand même très anxiogène où vous avez 17 000 personnes qui doivent évacuer les deux tours, descendre jusqu'à 90 étages à pied sous la menace d'un effondrement imminent, donc il y a de quoi paniquer quand même. Et les témoignages et tous les indices qui ont été recueillis montrent qu'en fait les gens étaient calmes et sont restés très solidaires. Et effectivement, cette image qui est véhiculée dans les films hollywoodiens de la foule en panique où chacun bouscule son voisin pour être le premier dehors, c'est en très grande partie une idée reçue et qu'on observe très peu en réalité. Une autre idée reçue intéressante que vous déconstruisez, c'est celle de l'imbécilité du collectif. On a tendance qu'une foule se comporte évidemment de façon massive, donc de façon pas très intelligente. Or, il y a des expériences qui montrent à l'inverse qu'il y a une intelligence collective qui est une intelligence statistique, une intelligence de la moyenne juste. Oui, on peut observer quelques instances d'intelligence collective chez les piétons dans le déplacement collectif. Je parlais tout à l'heure des autoroutes de piétons qui peuvent être vues comme une forme d'intelligence collective puisque les gens vont optimiser le déplacement sans que personne l'ait décidé. Mais le plus grand domaine de l'intelligence collective, c'est sur la pensée de la foule. Et effectivement, il y avait cette idée qui était prédominante donc à la fin du 19e siècle, principalement autour de Gustave Le Bon et autres, qui était celle de la bêtise collective. La foule avait une image très négative auprès des penseurs. Il y a en particulier un chercheur qui s'appelle Francis Galton, qui était un disciple de Gustave Le Bon et qui lui s'était mis en tête de mesurer la bêtise collective. Et pour faire ça, il s'est rendu dans une foire agricole et il a demandé à un grand nombre d'individus qui étaient là, il y en avait 800 personnes, d'estimer le poids d'un bœuf qui se trouvait dans cette foire agricole. Et Galton disait, s'ils sont même pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, comment pourraient-ils choisir un président? Donc Galton était aristocrate, lui il voulait que le pouvoir soit entre les mains d'une petite élite. Bref, donc il récolte ces estimations, qui sont les jugements des individus, et il les analyse, et effectivement, comme il s'y attendait, la plupart des estimations sont complètement fausses. Certaines personnes surestiment largement le poids du bœuf, d'autres le sous-estiment largement. Et il publie ses résultats dans Nature en 1905 avec une note, enfin plus qu'une note, même s'il décrit un phénomène qu'il observe. Il dit, par contre, c'est assez étonnant parce que si on prend la moyenne de toutes les estimations, on tombe sur une valeur qui est le poids du bœuf, exactement, à un kilo près. Sans aller l'expliquer un peu plus en détail, la publication reste là. Et elle est, ignorée pendant près d'un siècle. La publication de Galton a eu à récolter une dizaine de citations jusqu'au début des années 2000, ce qui est trois fois rien. Et aujourd'hui, elle a été citée plus de 1000 fois, près de 1000 fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour des années 2000? Autour des années 2000, il y a eu un changement de paradigme scientifique. Les chercheurs ont commencé à se dire, en fait, la foule est capable de produire des choses intelligentes. Il y a eu plusieurs origines à ça. Il y a eu un mouvement en termes d'intelligence collective chez les insectes sociaux et les animaux sociaux, qui était plus vers la fin du 21e siècle, qui a créer une transition vers le fait que les foules humaines puissent aussi être intelligentes. En 1999, par exemple, il y a eu un événement qui reste anecdotique, mais qui a peut-être marqué un petit peu, qui est une partie d'échecs. La foule a joué aux échecs. Kasparov versus le monde. Et pas contre n'importe qui, elle a joué contre Garry Kasparov, le champion du monde numéro 1 mondial à cette époque-là. C'est quand même Garry Kasparov qui a gagné la partie. Mais la partie a été très longue, elle a duré très longtemps, et les experts du monde entier se sont accordés pour dire que la foule, qui était constituée de près de 50 000 joueurs amateurs, comme vous et moi, c'était organisé sur Internet, n'importe qui pouvait s'inscrire, a joué comme un joueur professionnel. Le fameux dixième coup qui a surpris Kasparov, qui était complètement inattendu. Effectivement, alors je pourrais pas aller plus loin parce que je suis pas un amateur d'échecs, mais il paraît, d'après les écrits, que le fameux dixième coup qu'a joué la foule était un coup très original, très spécial, qui était atypique dans le monde des échecs et qui était effectivement très intelligent et qui restait dans les annales du jeu. Voilà, il aura fallu attendre des centaines d'années pour dédire Panurge et ses moutons, et donc Rabelais, puisque Panurge c'est chez Rabelais, c'est dans Pantagruel ou Gargantua, je ne sais plus lequel des deux. Bref, peu importe. Pour conclure, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, un mot, vous en avez fait une vidéo d'ailleurs, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve dans un mouvement de foule? Moi qui suis vraiment un grand paniqué des foules, qui a été pris d'ailleurs une fois dans un mouvement de foule, est-ce qu'il y a des conseils pratiques pour essayer d'éviter, de réussir à s'en sortir? Ouais, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en juillet 2010. Et il se trouve que juste quelques jours après, deux semaines après, c'est passé un événement qui est un mouvement de foule qui a eu lieu à la Love Parade, un festival de musique électronique, où 21 personnes ont trouvé la mort. Il y a eu 651 blessés. C'est quelque chose qui était très choquant. Et à ce moment, tous mes proches sont venus vers moi et m'ont dit « Toi, t'as fait une thèse sur les foules. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, moi, personnellement, pas du point de vue des organisateurs, mais du point de vue des individus. Qu'est-ce que je dois faire si je me retrouve coincé dans une foule, dans une situation comme celle de la Love Parade ?» Et effectivement, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on donne des conseils aux organisateurs, mais rarement aux individus. Et au regard des éléments scientifiques, on peut donner quelques réflexes à avoir. Le premier, par exemple, c'est de toujours rester sur ses jambes. Il faut pas tomber, il faut pas, par exemple, se réfugier, se mettre en boule sur le sol. Il faut rester bien droit et garder l'équilibre parce que votre chute à tel niveau de densité va entraîner par effet domino la chute de vos voisins, ce qui va vous mettre dans une situation délicate. Un autre conseil serait, par exemple, de s'éloigner des murs et des parois solides parce qu'en général, c'est dans cette région que les premières victimes vont être à déplorer. Et une troisième peut-être, vous en trouverez d'autres encore dans le livre ou sur Internet, serait de rester solidaire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une foule solidaire a beaucoup plus de chances de survie qu'une foule individualiste. Donc n'hésitez pas à proposer votre aide ou à éviter de causer la chute de vos voisins, par exemple. Voilà, c'est comment survivre à une foule hostile. Je vais pouvoir repartir tranquillement et prendre le métro en respirant aussi. Il faut respirer, il faut s'oxygéner dans une foule parce qu'on meurt beaucoup par asphyxie dans les mouvements de foule. Bref, il n'est pas question que de mouvements de foule, il est question de plein d'autres choses. Dans ce livre que je vous recommande, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, c'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup, Mehdi Moussaïd, d'être venu nous parler de vos travaux sur les foules. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Céline Lezen, Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain c'est un vendredi fiction, nous fêterons un anniversaire, celui d'une petite librairie spécialisée de Nantes, devenue l'un des principaux éditeurs français de science-fiction et d'imaginaire. Nous fêterons les 30 ans de l'Atalante, demain avec Mireille Rivalan et Catherine Dufour. Rendez-vous à 16h jusqu'à preuve du contraire.